se met dans ses rêves et je sais que ceci est un vrai faux. Et telle personne dit, pardon, que c'est faux. Son âme, je reste là, peu importe ce qu'on fait. Je dis, je reste sur ce que j'ai dit. Et. Ça, c'est le fait de tenir crainte sur la vérité. Parce que la vérité sur la vérité, c'est un fait, l'ordre, c'est un esprit. Parce que il y a tout différemment. L'orgueil, c'est un esprit. Comme la jalousie, c'est un esprit. Comme mon cher, voilà, sur ces barrières, ils sont d'abord différents. Là, maintenant, ce qui fait la différence, maintenant, entre plutôt tenir comme sur la vérité, c'est le fait que ça enfle. Celui des classes, la connaissance, enfle. Tu peux connaître quelque chose, le fait que les gens ne connaissent pas, le fait que tu se moques déjà de le fait que tu ne connais pas. Un peu comme, vous savez, quand les enfants vont à l'école, s'ils disent t'es, on leur dit t'es à ta, ta, ta, tu essaies de dire ta, tout. Ils se moquent de toi, c'est-à-dire qu'ils ont les pieds comme ça là. Ils croient qu'ils ont trop fréquenté, pas vrai. Mais ça, c'est pour les enfants. Si tu connais quelque chose, concernant personnellement la parole, et tu veux te moquer des autres parce qu'ils ne connaissent pas, souvenez-vous que tout ce que vous obtenez du Seigneur, c'est par grâce. Vous ne faites rien pour mériter cela. Rien pour mériter cela. Et en fait, lorsque c'est, se donne quelque chose par grâce. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour l'édification des autres. Un peu comme il dit chaque fois que le robinet, lui, il ne boit pas l'eau. Le robinet est là pour distiller l'eau aux autres. Vous avez vu quelqu'un un jour venir, venir féliciter le robinet. Bon. Alors, lorsqu'on a la connaissance, ça peut nous enfler. Et l'apôtre Paul a bien signifié cela dans le dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je crois que tu vois que j'ai mis déjà dans deux côtés. Ce n'est pas traité de l'autre cas que tu m'as dit, ce qui implique cela. Alors, dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 12, il a dit que, et à cause de cette excellente révélation qui lui a été donnée, pour qu'il ne s'enfle pas, il a été mis une écharpe dans la chair, pour l'empêcher de s'enlever. Vous voyez la différence, n'est-ce pas, frère? Des questions? Quand est-ce que des personnes qui étaient sur le lit d'hôpital et qui, suite à une intervention médicale, perdent de conscience ou, on va dire, bon, perdent de conscience et qui, dans leur perte de conscience, de l'autre côté, ils rencontrent des êtres qui les demandent de revenir. Comment est-ce que c'est le même? On appelle ça de quoi? De NDP ou quoi? L'expérience NDP ou quoi que ce soit. On dit que physiquement, ils ne sont pas morts. Ils ont été déclarés morts, mais beaucoup racontent qu'ils ont une grande lumière. Et les maîtres disent que ce n'est pas le moment de rentrer sur la terre. Ils ont ils ont reçu de l'air, une visite de l'autre côté. On leur demande de la capacité de faire pour sa période. Et remarquez bien qu'il y a une personne qui est venue pour accueillir. Mais là, il dit quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez cela. Bien ça. Quelle est-ce qui va se passer? Non. Je ne sais pas si vous voulez. Je n'ai pas entendu une question. Il y a combien de ciel, toi? C'est ça. Mon nom dans la Bible, comme il y a des cieux. Comment c'est quoi encore la Bible? C'est la Bible, il veut dire que je dis, il n'était pas sur la société, il ne faut pas se poser. Dans la Bible, quand on veut parler, on parle de la Bible. Non, non, il demande parce qu'il est plus stocké. Montre-moi d'abord, comme tu as dit à cette cieux-là, montre-nous déjà car il y a encore pas que c'est un cinquième. Je n'ai pas encore dit que c'est la Bible, mais il disait que. On a souvent dit que Dieu crée un esprit. Donc, il est là, il existe. Parce que, étant donné que le chiffre, Dieu s'est toujours entré à cette question de la terre. Donc, il y a un peu de texte. Non, mais c'est sûr que, pour le premier, il y a un peu de texte aussi. Donc, il y a un peu de texte. Si Dieu avait un texte, donc, il y a un texte solaire. Alors, le chiffre, par exemple, le chiffre, il y a un peu de texte aussi, par exemple, il y a un texte solaire. Sous la bouche, sur quelle base on dit qu'il y a sept cieux? Parce que si Dieu est au ciel, il est ici sur la terre.

On ne dit que ça n'était pas qu'un décès auprès de Dieu, oui, il y a même 15 ans. On lui dit, tu as envie d'aller à ta femme. Vous voyez, c'est la femme. Mais si elle m'a dit, je lui dis que demain tu vas mourir. Ah, je m'appelle, mais je ne suis pas encore entré dedans. Mais on m'a dit, c'est qui m'a conduit ça. Tu es mon travail là-bas, après pour mon petit tonnerre qui est tout seul, c'est que mon enfant n'est pas encore grand. Pensez que les autres enfants qui sont dans le moment et moquant à l'hôpital là, ils ont grandi à découvert de l'autre, parce qu'ils n'ont pas le sujet. Alors ce qui me dit, c'est que pour une vie découverte, vous lisez les anciens écrits, vous voyez que c'est vraiment dans le livre d'Isaïe et dans le livre des Daniel qui sont les plus. Et jusque-là, ce n'est pas clair. Parce que bien, il dit que, c'est pour ça que si Daniel vient de se tenir, il dit qu'à la fin, il y aura les jugements et les gens vont se relever dans la poussière. Les gens vont se relever comme ça, parce que ce qui est possible, c'est à lui ce qu'on a dit. Vous voyez, maintenant le Nouveau Testament nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 dit, il y a aussi un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et chaque fois qu'il va employer le mot mystère, parce que c'était enveloppé. Donc, mais il dit classe. Il s'est mis en lumière maintenant et révélé aux apôtres. Vous suivez ça, frère? Donc, les apôtres ont mis en lumière le plan parfait que le Père, le Créateur, a mis dans la dispensation. C'est pour cela que les apôtres, les fois, les prophètes, en temps venu du Seigneur Jésus-Christ, avec l'Esprit du Christ qui était sur eux, ils voulaient sonder toutes ces choses-ci. Pourquoi est-ce qu'il y a des questions? C'est pour ça que Salomon va beaucoup se poser des questions. Pour dire que ça regardait un peu, vous lisez Ecclésias. Vous lisez Ecclésias, vous allez avoir une conclusion comme si il va dire, et même un lion vivant, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Hein, vraiment, c'est vraiment vrai, frère. Il dit que ce soit riche ou soit pauvre, il y a la même condition. Vous voyez, car tous vous êtes de la même façon. Oui, on se trouve de la même façon. Mais à la fin, vous remarquez, ce n'est à la fin de son livre. La Bible des révélations lui est donnée. La Bible. La Bible des révélations lui est donnée. Il nous dit, frère l'Éternel, car Dieu emmena toute œuvre en Dieu, soit ce qui est notre, ce qui est. Il a fait une brève révélation de nos éléments plus clairement. Donc tout ce qu'il a dit là, il s'embrouillait seulement vers sa lettre. Vous suivez, frère? Donc ici, la Bible nous dit que le séjour des morts se trouve en bas. Et donc, Job, donc, comme les. Tu vois, je ne vais pas plus que tu as parlé, Job, les gens, l'un des arguments, ils disent, si le séjour des morts était un endroit qui brûlait, Job ne pouvait pas souhaiter y aller. N'est-ce pas, mon cher? C'est ce qui est dans ce qu'en fait réellement la Bible. C'est aussi ce que les gens vous avez. Alors, si le séjour des morts, le Sheol était un endroit où il y a où ça brûle, où ça tourmente, c'est que le Job ne souhaitait pas y aller. Il y a des gens qui ont vu que c'est la destination de tous les vivants. N'est-ce pas? Nous avons vu ici depuis le jour où nous avons parlé des morts, nous avons vu que non seulement ils partaient dans le Sheol, mais ils étaient d'abord réunis à leur père. Ça, ça les a manqué. Ce que vous dites, ils ont réuni à leur père. On dit que l'une partie du corps qui peut aller quelque part. Et pour soutenir les doctrines, il faut d'abord que la notion des âmes corps et âmes esprit soit disloquée par eux. Donc c'est tout naturel, s'il ne faut pas croire en enfer, parce qu'il faut qu'il y ait une qui va en enfer. Il t'en tient à la parole du Seigneur, tu es poussière, tu retournerais à la poussière. Dans ce cas, tu es poussière. Parce que tu as fait l'homme à son image, on dit que c'est non sa ressemblance. Beaucoup d'enfants ne se trompent pas. On dit à son image et à sa ressemblance. L'image est différente, ressemblance est encore différente. Vous voyez, donc tu es poussière. Tu es poussière, frère? Non, donc on dit que ça c'est la carcasse. Comme exactement comme que tu es dans la poussière là. Non. Tu m'as formé un corps. Vous allez me souvenir. Je vous sais quoi, frère. Vous allez vous lever à l'heure. Lorsqu'il dit dans cet Hébreux chapitre 10, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je veux que vous me regardez bien en face. Après la création, peut-il avoir création? Non. Je veux que vous répondez, frère. N'étendez pas. Après la création, peut-il avoir création? Non. Quand est-ce que le corps du Seigneur a été formé, a été créé? Avant la création. Avant la création. Donc il a formé. Comment il a fait pour ça entre dans Marie? Rien n'est impossible. Ça c'est clair. Dans le même tout, même la réalisation, que du coup la réalisation, ça serait impossible à dire. Cachez-vous sur lui comme ça. Ça c'est clair. C'est ce que la Bible dit. Il dit comment? Il a fait pour entrer là-dedans. Vous avez vu que le corps là était avant la fondation du monde. Parce que lorsqu'il a fait ses œuvres, il a achevé ses œuvres pour ses pieds et il s'est reposé. Donc tout ce qu'il y a, Dieu a déjà enfin, il a créé le corps. Parce que Jésus, il a dit que tu n'as brûlé sacrifice, ni le corps, mais tu m'as. Voilà. Ah. la formule. Hébreu chapitre 1, verset 22, verset 19. On va lire quelque chose, et je vais encore le prendre, je vais encore l'avoir, parce qu'il n'a pas encore finalement sa question. Souvenez-vous, c'est le moment de départ, c'est beaucoup. Et là, beaucoup de cérémonies sont au Cameroun. Et je voudrais parler des militaires, des hommes, là, et qu'est-ce que c'est vrai de ça. Je voudrais parler des quand même militaires, ce qui fait des choses, c'est que ce sont des livres. Et bon, le chapitre 1, c'est le moment de trouver ici. Mais la plus verset 6, et puis je vous pose la question. Je vais poser les questions. Regardez. Oui, pas plus verset 5, vous suivez. Hein? Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous y êtes. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, entouré de nouveau. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, cette phrase-là seulement pouvait mettre une chose en une couleur et une autre en une couleur, mais c'est ce que vous allez faire. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier niveau, le premier niveau. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure pour noter Hébreux 11, lorsque j'ai parlé des Proverbes chapitre 15, verset 24, là, par rapport à la voix de la vie qui est en haut, le service de mon peuple, détourné du service de mort qui est en bas. Et là, avant qu'il ait fait chose, c'était. Maintenant, dans Proverbes chapitre 15, encore. Quand le Seigneur vous bénisse, que son esprit repose sur vous, ne vous quitte pas jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. Hébreux chapitre 15, lisons-nous encore le verset 24, doucement. Vous le savez, le centre de la vie, même en haut, oui, afin qu'il se détourne de ce que le mort peut être en bas. Voilà, c'est ça que je vais vous voyez. Remarquez très bien que si ce jour de mort est voudrait dire la tombe, c'est que ça n'a pas de sens. Parce que normalement, tous les êtres humains doivent se coucher pour être enterrés dans la tombe. Et on dit que ce chemin-là, le sentier-là, pour que quelqu'un qui sache, il doit se détourner de ce sentier qui mène où? En bas. Donc, on dit que l'en bas dont il parle est au-delà de la tombe. Remarquez, pour regarder encore, frère, regardez. Pour le tarage, le sentier de la vie même en haut. Le sentier de la vie, le chemin de la vie même en haut. Oui. Afin que je détourne. Afin que je détourne. C'est le mot qui est en bas. Donc, ça veut dire que pour le sage doit s'arranger à monter plutôt, pas à descendre. Le sage, il dit que celui de mort ici ne veut pas dire le chérol de la tombe, le sépulcre. D'accord? Mais c'est plus. Remarquez que encore dans Apocalypse chapitre 20. Je veux que toute votre attention. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14 et 15, lorsque nous avons lu, il est dit là-bas, et la mort. On n'a pas dit et les morts. Vous avez remarqué, frère? Lorsqu'on dit les morts, la mer, écoutez, je veux toute votre attention parce que c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est simple, c'est seulement le mot et les accords. Hein. Lorsqu'il dit. Et la mort rendit les morts. Les morts, ce sont les êtres, mais, parce que ça, c'est au pluriel. Mais la personne, l'être qui retient, ces morts-là, est unique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas des esprits des morts. Il y a un esprit des morts. Vous comprenez pas? On dit que la mort rendit les morts qui étaient en lui. La mer rendit les morts, les êtres vivants, qui étaient morts là-bas. Ils sont retournés. Mais vous allez bien. Lorsqu'on dit ce qui part à la génétique, là je veux voir votre attention, je vous pose la question la dernière fois. Avez-vous déjà vu l'expression les séjours des morts? Non. Vous avez cela? Vous avez vu l'expression les sépulcres? Oui. Les sépulcres, vous pouvez voir chaque cimetière. Dans un seul cimetière, il y en a plusieurs. Même dans votre maison, de son village, même en on voit comment le plus de sépulcre, c'est pas court. Ça, c'est le sépulcre. Mais quand vous avez 800 milliards de sépulcres sur la terre, il n'y a qu'un seul celui des morts. Alors maintenant, dans ce livre, il est écrit que la mort est le séjour des morts fut jeté dans les terres dans le feu. C'est pas la partie de l'air, séjour des morts. Maintenant, ici, dans Proverbe, chapitre 15, verset 24, il dit, pour le sage, le chemin de la vie mène en haut. C'est en haut et puis pour détourner de lui. Le chemin de cette chose-là, il mène où? En bas, le séjour des morts, pas le séjour des morts. D'accord? Vous voyez que le séjour des morts, donc, en clair, est différent du sépulcre. Là, on vous met, on met le ciment, d'autres on met les fleurs, d'autres on met encore en vie, on ne le voit pas. Nous, on tente, on demeure, on ne tente pas. Mais on brûle en main, comme on brûle dans les eaux et on verse la cendre. Tu mens. Tu vas quand même au séjour des morts. Tu vas y aller. Vous comprenez? Comme dans le livre d'Hébreux, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 5 et 6, le verset 6 est intéressant. Il dit que, et il dit encore, et lorsqu'il introduit des nouveaux. Lorsqu'on dit en français que, il est de nouveau venu. Enfin, je vois frère. C'est le nouveau, c'est quoi ce soir? Et donc, il introduit de nouveau dans le monde. Il est de nouveau. Alors, frère, comment? Il dit que tous les anges de Dieu. L'ange est le premier-né. La question maintenant, c'est le chaos. Quand est-ce que le premier-né a-t-il été introduit dans le monde, frère? Oui. Vraiment. Je pense que quand on parle de l'intitulé, quand on compare les autres, quand on parle de l'intitulé, la généalogie, c'est une créativité. Je commence d'abord. On dit que lorsqu'il introduit le premier né dans le monde, quand il a introduit ça, Au jugement dernier, la mort est jetée là-dedans. Le séjour de mort est différent de l'âme. Le séjour, comme on dit le séjour, et là où les morts vont séjourner, donc là où ils vont rester en attente. Et là, maintenant, on pose encore le problème par rapport à la tridimensionnalité de l'être humain vis-à-vis des la doctrine et humaine de Jéhovah. Parce que si le séjour de mort, c'est le séjour où les gens vont plus y demeurer, la question doit être posée directement. Pourquoi donc on dit que ça les juifs doivent aller en haut pour se détourner du chemin qui est en bas, alors que tout le monde sur la terre doit aller dans le même lieu par là. C'est-à-dire coucher au centre d'inertie, n'est-ce pas? Laisser l'inertie comme ça. Alors, c'est parce que nous disent que l'homme, c'est l'âme. Vous suivez, n'est-ce pas? L'homme, c'est l'âme. Et le séjour des morts dans la Bible, c'est ce qu'on a vous avez traduit dans votre livre. Quand on dit que tu vas aller en enfer, c'est ça que vous dites séjour des morts. Parce que la Géhenne n'est pas l'enfer. La Géhenne, ce n'est pas l'enfer, c'est pas ce que tu appelles par enfer. C'est ce qu'on appelle ce jeu de monde qui appelle enfer. Vous me suivez, frère? Amen. Donc, si vous êtes sur l'enfer alliance, vous dites à quelqu'un que tu vas mourir par l'enfer, il va dire normalement c'est notre lieu, parce que c'est la mort, vous allez passer dans l'enfer, ça ne fait pas. C'est la Géhenne. Jésus, notre Seigneur, a dit, je vais vous en la dernière fois. Parce que je peux dire, verset 8, il ne craignait pas celui qui se compte, qui veut rien faire en âme. Craignait plutôt celui qui peut, quoi? Fait périr et le corps et l'âme dans la Géhenne. C'est là où il a dit Géhenne, pas qu'il n'a pas dit Géhenne, non. Géhenne, c'est là, le lieu de destruction. C'est là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, dans le monde, dans votre identité, version de Dieu, c'est traduit par enfer. Là, si vous prenez une version de Dieu, c'est traduit par enfer. Vous remarquez dans votre version, vous allez voir que c'est le mot qu'on a traduit par séjour des morts. Pas Géhenne. Tout qui a dit Géhenne par enfer, ça n'a pas de sens, parce que l'enfer, c'est là du cul. Complètement. Donc, c'est pas de dire que tu vas brûler en enfer éternellement. En fait, tu as tort. C'est pas possible. L'enfer sera détruit dans la Géhenne. Pas tout, monsieur. L'enfer sera détruit dans la Géhenne. Maintenant, il y a une autre incongruence avec les témoins de Jéhovah. C'est ceci. La vérité va être présentée dans la Bible. Que en réalité, ils ont peur d'affronter cette vérité-là. Mais la vérité, on ne peut pas faire quoi que ce soit contre la vérité. La vérité, c'est clair qu'il y aura des jugements.

l'embarque, car tu n'as pas de mes servis, il n'a jamais de support, parce que le vent, c'est vrai, il dit. Et le chapitre 11, verset 31 dit que, et d'autres furent dans le tourment, ils refusaient d'être délivrés. Pour avoir pas une meilleure. Donc, pour ceux, c'est dans le moment dit, là-bas, que les femmes découvraient leur mort à la résolution. Et les femmes, là, sont mortes, et les gens, sont morts. Vous comprenez les phrases? Alors, c'est fini là-bas, arrivé quelque part. La nuit était passée, on a enlevé les trucs. Vous savez, on a mis le feu, mettre le feu tout autour de lui. Lui a resté là, debout comme ça, restez debout. La flamme fuyait son corps. C'est mis à genoux là-bas, debout, pleurant, devant le Seigneur, en priant, on va dire que le grand Seigneur envoie le feu dans les yeux de ciel-là. Envoie le feu comme dans le ciel aujourd'hui. Quand vous pouvez toucher par côté aujourd'hui, là, il se souvient que Dieu va donner la puissance de marcher sur les terrains. La puissance est venue, il envoie le feu sur le juge. Il envoie le grand Dieu qui vole, ça vole les preuves là. Vous savez, moi c'est le juge en train de faire. J'en ai vu des tests cas ici. Vous savez, dans un coin ici au Cameroun, il y a un tribunal là-bas. On avait mis comme une de la climatisation à ce moment-là, on a fait un planche. Il y a les fenêtres sont ouvertes carrément. Et quand on fait le tribunal, les gens viennent au tribunal en train de voir. Il y a des papas là-bas qui sont des sorciers aguerris. On a accusé un papa parce qu'il avait tué son frère à la sorcellerie. Tous les dossiers étaient là comme ça. Il a dit que les gens sont enfermés. Le juge a dit que je vais t'enfermer. Il s'est dit qu'enfin moi je vois. Il était en plein tribunal comme ça. Un mois est passé comme ça devant le juge, pas le dossier parti. En plein tribunal, tout le monde va passer dans les tribunaux. Arracher ça en bas comme ça. Forti dans le tribunal, parti. Même le juge a applaudi. Il faudrait demander le juge là pour prononcer quel jugement là-bas. Alors ici la Bible déclare que les morts, ces femmes recevaient les morts par la résurrection. D'autres refusaient. C'est-à-dire qu'ils ont refusé d'être délivrés. Donc ils ont accepté de ne passer par la mort pour attendre la meilleure. C'est qu'on est attendre la frère. Alors là, c'est pour le faire, c'est fini là-bas. On croyait qu'il devait prier pour envoyer le frère. Non. Il a prié. Il priait pour les chrétiens. Priez pour les ennemis qui devaient nous faire accepter. Priez pour ses ennemis, pour leur âme, pour que Dieu protège leur âme, que Dieu les pardonne. Ça, on ne peut pas faire ça si l'esprit de foi qui est là-bas n'est chez vous. Quand vous faites, papa, comme le frère pose la question sur l'orgueil, tu dis que je vais te montrer que le caractère est idéal. C'est le réflexe là-bas, lorsqu'on n'est pas loin de l'esprit. C'est peut-être l'esprit de Dieu qui a venu sur vous pour intercéder, pour que tu puisses bénir ton ennemi de la bonne façon. Pas dire, je t'aime toi-même. Après, tu peux avoir dit, il m'a mis en petit, il n'y a rien, il faut qu'il voit. C'est-à-dire que vous avez au niveau où on parle mal de nous, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te bénisse ne soit pas directement discuté sur ton cœur. C'est ce niveau-là que la Bible attend les gens. Je crois qu'on va revenir au niveau de le chrétien, l'amour chrétien. D'accord? L'amour du chrétien. Alors, la résurrection d'entre les morts. Les gens ont découvert leur mort. Leur mort. Oui. Parce que vous avez un roi et deux rois, l'histoire d'Élie, le prophète Élie et Élisée. Cet enfant qui a eu mal à la tête, et donc le prophète Élie a envoyé son serviteur dans les mains de Macron, il savait que ça n'a pas donné. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il défend le couvert même moi par la résurrection. Et le prophète Élie s'était couché sur la face de Seigneur et il a été né trois fois. Donc maintenant, je peux commencer ce soir s'il n'y a plus de questions. Alors en clair, le sujet des morts, c'est l'enfer. L'enfer sera vécu. L'enfer sera délivré. Oui. Le deuxième, c'est exactement la magie. Parce que dans Apocalypse 21, verset 8, il y met tous les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, et tous ceux qui commettent le mensonge, leur part sera dans l'état ardent de feu et de sang. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là, le bon moment. Le bon moment, l'état ardent de feu. La question que tu as posée depuis la semaine dernière, c'est la seule maintenant que vous verrez, c'est la question là-bas. Il y a des questions, de savoir comment il y a des questions que vous avez là. Jusqu'à dire clairement que je vais vous expliquer maintenant quelque chose. Il y a expliqué des choses. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des fausses visions de ces choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens que le Seigneur leur montre quelque chose, des choses réelles de l'autre là. Il y a des gens que c'est Satan qui les montre. C'est-à-dire Satan les montre les mêmes choses que Jésus montre. Allez, frère. Je veux que vous gardiez seulement ce qui est à l'esprit. Je vais vous poser une question simple.